En Corée du Sud, toutes les couches, y compris la population et les conseillers de la ville de Pocheon, province du Gyeonggi, ont livré le 17 une lutte protestataire contre les exercices de guerre des troupiers américains, selon Yonhap News sud-coréen. Par ailleurs, les partis de l'opposition, y compris le parti démocrate Toburo, ont tenu les conférences de presse pour condamner la répression par les autorités du mouvement de protestation des habitants de l'arrondissement de Songju de la province du Gyeongsang du Nord contre la disposition du SAD.